Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Que demande le peuple ? Terrible question que se sont posées tous les souverains, même républicains, quand la population est grognon. Que demande le peuple est une chose, faire parler le peuple en est une autre. Les cahiers de doléances de 1789 ont été une tentative immense, sublime, pour recueillir la parole populaire. Ce n'était pas la première fois que le souverain faisait ainsi. Ce n'était pas la dernière fois non plus, puisque l'actualité nous l'a montré avec le grand débat voulu par Emmanuel Macron. Alors, que dit le peuple quand le pouvoir lui donne la parole ? Ou alors, que dit-il dans la sphère privée ? L'historien et l'historienne sont de sales petits fouineurs. Ils ouvrent les cartons, les malles, les tiroirs, ils montent au grenier, ils descendent à la cave. Le régime alimentaire des pandas est constitué de bambou, celui des koalas de feuilles d'eucalyptus. Eh bien, l'historien, lui, se nourrit d'archives. Alors, que demande le peuple ? Voilà qui est difficile à dire. Que demandent les historiens et les historiennes ? Ils veulent des archives pour écouter le peuple, ça c'est sûr. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous portons un bonnet phrygien, une cocarde tricolore, c'est la Révolution française, des émissions qui peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, ou alors le groupe Facebook, et oui, le groupe Facebook et les réseaux sociaux, rejoignez-nous pour parler de l'actualité de l'émission, de l'actualité de la recherche et tout simplement du plaisir de l'histoire. Ce plaisir aujourd'hui nous porte jusqu'à l'intime et jusqu'au cahier de doléances, un jeu entre l'écriture privée et l'écriture publique, la révolution et l'avènement du peuple souverain. Mais que dit ce peuple ? Nous allons en parler avec vous, Pierre Cerna, vous êtes historien à l'université, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. Pierre Cerna, bonjour. Bonjour. Institut universitaire de France, c'est tout frais. Oui, c'est tout frais et ça complète aussi le fait que je sois membre de l'Institut d'histoire de la Révolution française. Et vous publiez Que demande le peuple ? Les cahiers de doléances de 1789, manuscrits inédits dit aux éditions textuelles. Dites donc, vous nous avez fait un joli livre, là. Ah, l'équipe, dames qui travaillent aux éditions textuelles est d'un professionnalisme absolument remarquable et j'espère que chaque lecteur pourra s'apercevoir de la qualité, non seulement de la reproduction des facsimilés, tous inédits, mais en même temps des illustrations qui les accompagnent. C'est un beau livre dans le sens le plus noble du terme. Et permettez-moi de rajouter la qualité du texte. Et avec nous aujourd'hui, Annie Duprat, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire moderne à l'université de Cergy-Pontoise. Annie Duprat, vous arrivez avec petit trésor, ce qu'on adore, c'est-à-dire des lettres dénichées dans les archives. Les affaires d'État sont mes affaires de cœur. Lettre de Rosalie Julien, une femme dans la Révolution. Plus que la Révolution même, et c'est ça qui est majeur, c'est que d'un coup, en regardant sur un temps un peu plus long, on comprend mieux la Révolution. 1775-1810, c'est édité chez Belin, des lettres par milliers. Il y a un millier de lettres à peu près, c'est ça ? Alors, il y a environ un millier de lettres conservées aux Archives nationales à Pierrefitte. Il y en a quelques-unes encore à Romans, ville non pas d'origine, puisqu'elle elle était originaire de la région parisienne, mais Pontoise très exactement, mais d'origine de son mari. Il y en a également, parce que la famille Julien est une famille extrêmement connue, extrêmement active, le mari et le fils de Rosalie, et très écrivassière. Comme j'ai écrit, pour moi, c'était un océan. Et donc, il y en a aussi à Moscou, dans les archives Marc-Antoine Julien à Moscou. Régalade, donc, décrit par les cahiers de doléances et par les lettres de Rosalie Julien. En fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons écouter Louis XVI. Oui, le roi Louis XVI, un tantinet tracassé par le mécontentement populaire. Je jure que personne n'a aimé le peuple de France aussi tendrement que moi. Comment ai-je pu provoquer sa colère ? Est-ce ma faute si mon grand-père Louis XV m'avait aussi légué la dette publique ? Pour l'éteindre, on ne m'a proposé pendant 15 ans que des impôts, des emprunts et la banqueroute. Pour lutter contre la banqueroute menaçante, Calonne réunit les notables. Ils refusèrent de payer. Alors j'ai renvoyé Calonne et nommé Loménie de Brienne qui réunit le Parlement. Il refusa les trois quarts de l'emprunt. J'ai donc chassé le Parlement, rappelé Necker et convoqué les États généraux. Tout de suite, le tiers se mit à bouillonner. prétendant voter par tête. C'était sacrifier ma noblesse et mon clergé, puisque le tiers dépassait le total des deux autres. Il n'en voulait pas démordre. Ne pouvais-je pas renvoyer aussi mes états ? J'étais le maître, non ? Louis XVI, avec la voix d'Antoine Marin, nous étions au cœur des années 1970 dans une évocation sonore de Frédéric Nord dans la collection Histoire vivante. Il se passe quelque chose d'incroyable en France au début de l'année 1789. Le roi Louis XVI convoque les états généraux pour le mois de mai suivant et il demande des cahiers de doléances. Pierre Sarnat, il faut juste remettre en place ce qu'il se passe. Pourquoi le roi veut des cahiers de doléances ? Pourquoi veut-il convoquer les états généraux, c'est de la stratégie, c'est un peu comme on a entendu là, c'est-à-dire il est plus en confrontation avec les élites qu'avec le peuple lui-même. Louis XVI pense que le soutien populaire, et il a raison sans doute, lui est acquis. Oui, tout à fait, et c'est un des aspects sur lesquels j'ai voulu insister pour ne pas répéter de façon un petit peu paresseuse. L'État est en crise, dites-moi quel seul État au monde à l'heure actuellement n'est pas en crise. Si chaque crise amène la révolution, alors nous serions dans une révolution permanente. C'est un véritable coup politique et à mon avis qui révèle autre chose que la bonhomie un petit peu grasse du personnage. Le roi a une idée qui est bonne. Il se rappelle que les États généraux anciens sont là pour le réconcilier avec son peuple. On a des élites qui, depuis les années 1750, refusent obstinément, de façon aveugle, pour s'accrocher à leurs privilèges, pour s'accrocher à leur bien-être, suivez mon regard, donc vers ce qui les constitue comme en fait les premiers de la nation. Alors qu'on a des nobles tout à fait éclairés, on a des élites autour du roi qui lui rappellent que c'est impossible que les plus riches ne paient pas d'impôts. Donc ce n'est pas simplement l'année 89 qui est extraordinaire. Nous sommes rentrés depuis les années 1780 avec la révolution américaine, avec les révolutions atlantiques, Genève, Liège, le Brabant, les Pays-Bas, l'Irlande sont en révolution depuis les années 1780. C'est pas simplement la France, c'est toute l'Europe qui est en ébullition pour les mêmes raisons. On veut un monde plus juste. Ce n'est pas qu'on ne veuille pas payer d'impôts, on veut qu'il soit réparti de façon plus juste. Et Louis XVI le comprend et donc crée, de fait, en brûlant les étapes, une alliance avec son peuple. Au début de l'année 1789, il est clair pour chacun que le roi veut créer une alliance avec son tiers-état, c'est-à-dire les élites vives, dynamiques et jeunes de la nation. C'est intéressant ce que vous dites, Pierre Sarnat, parce que vous évoquez un coup politique de Louis XVI. Effectivement, c'est un coup politique. Il est en confrontation avec une partie des élites qui refusent de payer l'impôt. Il dit « je m'adresse directement au peuple ». Il faut rappeler que les états généraux ou les cahiers de doléances ne sont pas une nouveauté. Sauf que ça faisait bien longtemps que ces choses-là n'avaient pas été remises en place. C'est quoi ? C'était 1614. 1614, hein, ouais. Donc après la crise qui suit l'assassinat d'Henri IV. Si ce n'est que pour les historiens, et vous parliez d'archives tout à l'heure, bon, on n'a plus les archives des doléances de 1614. Or, là, nous le savons, rendons grâce d'abord à Tocqueville, qui a travaillé sur les cahiers de doléances de Touraine, puis à Jean Jaurès, qui est le grand historien qui a publié en 1900 l'histoire socialiste de la Révolution et qui consacre, dès son premier tome, plus de 150 pages à ce qu'il va découvrir, c'est-à-dire l'immensité de ce que l'on pourrait appeler une photographie, document unique pour tous les historiens du monde entier, d'un pays entre le premier dimanche et le troisième dimanche du mois de mars. Si dans ce pays de 27 millions, on enlève, hélas, la moitié des femmes qui n'ont pas eu le droit de parler, mais qui parleront, j'espère que nous l'évoquerons, qu'on enlève l'ensemble des hommes qui ont moins de 25 ans, c'est près de 85% des hommes qui se sont exprimés. Je fais justement un petit détour, Pierre Sarnat, sur ce que vous venez de dire. Vous avez évoqué Jean Jaurès dans « Que demande le peuple ?». Tout de suite, nous trouvons Jean Jaurès. Le livre lui est dédié. Oui. Faut rappeler l'importance de Jean Jaurès. Mais pour les archives, même les archives des cahiers de doléances, comment il a mis, lui, en valeur cette source exceptionnelle pour l'historien? Bien sûr, Jean Jaurès, qui est philosophe de formation, mais qui appartient donc aux élites de la Troisième République et qui construisent le savoir positiviste sur lequel nous fonctionnons encore, en 1903, avec le talent d'orateur qu'on lui connaît, prononce un discours à l'Assemblée nationale qui est absolument remarquable, dans lequel il rappelle que les origines de la République sont mal connues car nous ne disposons pas, dit-il, de la parole des plus humbles, des plus modestes qui se sont exprimés au printemps 1789. Jean Jaurès propose le vote donc d'une commission parlementaire pour qu'elle débloque des fonds et que soit publié à l'époque, donc édité, les 60 000 cahiers, car nous avons plus de 60 000 cahiers. Le vote est unanime et l'argent arrive. Que demandent les historiens, demandiez-vous tout à l'heure. Ils demandent un peu de moyens pour que notre passé, nos étudiants et nos doctorants soient bien traités. C'est important que l'historien ait accès aux archives, et ces archives des cahiers de doléances, ces cahiers de doléances, c'est devenu maintenant quelque chose que l'on connaît parce qu'ils sont enseignés. C'est vrai qu'on trouve dans les programmes scolaires ces cahiers de doléances, et pourtant il est nécessaire de rappeler l'importance qu'ils ont eue, comment ça se construisait. Donc nous sommes en janvier 1789 quand commence à se mettre en place tout ce système. On imagine quelque chose d'énorme. Donc partout en France, les gens peuvent écrire. C'est beaucoup plus complexe, sans doute. C'est-à-dire, qui prend la parole à ce moment-là? C'est une structure absolument logistique, absolument remarquable. Je vous rappelle quand même que le président Macron, appelant au débat national et à la rédaction de cahiers dans un pays de 66 millions d'habitants, aujourd'hui, a reçu 11 000 cahiers. Louis XVI, dans un pays de 26 à 27 millions, a reçu 60 000 cahiers. Vous en concluez ce que vous voulez. Alors, c'est une architecture absolument remarquable, parce que dans chaque commune de France, à peu près 35 000 communes, les premiers et troisièmes dimanches du mois de mars, on va se réunir soit dans la paroisse, soit ailleurs, dans la fabrique, soit parfois, lorsqu'on est dissident, au cabaret ou même dans le cimetière. On va rédiger un premier niveau de cahier. Puis après, ils vont être envoyés au sous-bailliage ou au sous-sénéchaussée. Plus de 1200. Ils vont être resynthétisés. Et puis, ils vont être envoyés aux 400 bailliages officiels dans cette mosaïque, dans ce puzzle de différents administrative qui est la France de 1789, où ils vont être encore re-rédigés. Ce sont ceux-là qu'on connaît dans les archives parlementaires. Et nous avons voulu aller chercher les cahiers les plus modestes. De ces 400 cahiers, chaque ordre va rédiger et resynthétiser 12 cahiers. Et donc seront déposés au pied de Sa Majesté Louis XVI, 36 cahiers, 12 pour chaque ordre, le 5 mai 1789, quand s'ouvrent les cahiers. Tout cela s'est fait en quelques mois, du mois de mars au mois de mai. On a réussi cette prouesse de passer de la parole de près de 13 millions de personnes à 36 cahiers. C'est un acte de démocratisation et de politisation, je crois, assez unique dans l'histoire de notre pays. Est-ce qu'il y a une liberté de parole dans ces cahiers, a priori? Quand on regarde ce que vous publiez, ces manuscrits inédits, il y a une liberté de parole. On sent que les gens peuvent dire tous les tracas qu'ils rencontrent, tout ce qu'ils ont sur le cœur. Oui, il faut la chercher. Et bien sûr, il y a un filtre qui a servi dès 1790, les conservateurs et la contre-révolution ou les réactionnaires de tout poil pour dire « mais non, ce n'est pas le peuple ». L'antienne que l'on connaît, ce n'est pas le peuple qui parle, il est manipulé, ce sont des notaires, ce sont des avocats, ce sont des curés. Eh bien, c'est faux. Lorsque l'on va chercher à la source même des petits cahiers, on le retrouve dans tel petit cahier, dans tel petit village des Pyrénées que le grand historien australien Peter McPhee me rappelait. On a un cahier qui se résume à une phrase. Nous ne voulons plus être les esclaves du Seigneur. Point. Voilà le cahier. Ben justement, en écho à ce que vous venez de dire, Pierre Sermat, nous allons écouter un extrait d'un téléfilm, le téléfilm 1788 de Maurice Fellevic. Nous étions en 1978. On vient pour les prés, monsieur le comte, qui sont bien de la commune. Votre garde en a interdit le passage à nos bêtes, on comprend pas? Il n'y a pas de bien de la commune, Coquart. Ce que vous appelez bien de la commune sont des terres dont mes ancêtres vous ont abandonné l'usage. L'usage sans droit. Et pour que ça dure si longtemps, l'usage, il faut bien qu'il y ait eu quelque accord dans le passé, monsieur le comte, entre l'un de vos ancêtres et les nôtres, je sais pas moi, des titres, on devrait bien trouver ça ici. Attention, Martinois, ne pas me fâcher avec vos insolences. Vous oubliez qu'il n'est nulle terre sans seigneur. Ces terres-là sont comme les autres. J'en suis maître et seigneur et j'entends bien le rester. Si vous nous faites ça, monsieur le comte, où sait-il que le troupeau communal y va paître? Car je connais mes terres. Des prés, vous en avez encore en lisière de bois. Vous êtes toujours à vous plaindre. Vous appelez ça des prés, monsieur le comte? Des terres, des landes, oui, qui sont déjà pas bien fameuses les bonnes années. Aujourd'hui, avec le sec qu'on a eu, même un couple de chèvres, ils trouveraient pas de quoi se nourrir. Ça suffit. Je vous répète que ces terres sont le fief de ma famille, j'y fais ce qui me plaît. On ne dit pas, monsieur le comte, mais en regard de ces droits féodaux, il y a tout de même bien des droits d'usage et de propriété. Ces terres, c'est tout de même bien nous qui de tout temps les avons fait valoir. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous écoutons ce que dit le peuple en 1789. Avec vous, Pierre Cernat, que demande le peuple et cahiers de doléances de 1789. Nous avons écouté un extrait d'un téléfilm, le téléfilm 1788, donc le juste avant, l'année d'avant. Il y a toujours cette idée que les gens vont râler contre l'impôt. Donc ça, c'est quelque chose qui transpire dans les cahiers de doléances. L'impôt pose un problème. Ah, l'impôt pose un problème. Et évidemment, vous avez un pays à l'intérieur duquel la masse de l'impôt repose sur 98% de la population qui sont roturiens, les 2% de la population qui sont les plus riches, le clergé en termes de propriété foncière, la noblesse en termes de propriété foncière et en même temps propriété mobilière, ne paye pas d'impôt. Vous savez, la révolution aurait dû éclater dans un autre pays, l'Angleterre. Mais en Angleterre, les élites ont eu l'intelligence de payer l'impôt. Donc elles étaient inattaquables sur cet aspect-là. En France, la structure à ce point inégalitaire fait que le peuple ne demande pas à ne pas payer d'impôts, mais que l'impôt soit plus juste. Donc on dit souvent dans les cahiers de doléances, tout le monde se plaint des impôts. Il n'y a pas que des demandes, il n'y a pas que des pleurnicheries ou des douleurs qui sont exprimées. Il y a aussi une part constructive. On demande à payer moins d'impôts parce qu'on imagine une société meilleure. Le bonheur est un mot entré dans le 18e siècle. Ce n'est pas simplement le siècle du progrès, mais de la perfectibilité. On peut faire mieux. Et donc les gens pensent que l'impôt mieux utilisé va servir, et on le voit tout d'un coup dans une petite paroisse, dans d'innombrables petites paroisses, à la santé. On demande que les officiers de santé du roi s'occupent des enfants. À l'école, on demande que des écoles soient construites. À la meilleure répartition, bien sûr, des richesses. On a souci du pauvre. Du Fourni de Villiers, donc architecte du roi, écrit en 1789 un cahier du quatrième ordre, comprenant bien que dans le tiers état, il y a les riches, bien sûr, les capitaines d'industrie, les riches avocats, les riches notaires, mais il y a aussi la partie la plus pauvre du peuple. Et il dit, en quoi ne seraient-ils pas des citoyens comme nous? En quoi la pauvreté les rend moins dignes d'être citoyens que nous? On a là l'expression, une prise de conscience de ce que pourrait être une nouvelle société. C'est en ce sens que les cahiers sont un véritable testament de l'Ancien Régime, mais l'espoir d'un nouveau monde. C'est surtout cet espoir qui est à noter. C'est vrai que dans une société où l'on espère un futur meilleur, il y a une forme d'enthousiasme qui peut pousser les gens à agir. Et ces cahiers ont-ils en germe déjà une volonté d'action? Est-ce qu'il y a l'idée que le roi va écouter ce que dit son peuple et va agir réellement? Les gens ne pensent pas encore à agir par eux-mêmes. La révolution n'est pas encore dans les cahiers de doléances, elle pointe. Ah, écoutez, bien évidemment, personne n'est révolutionnaire au sens où personne ne veut renverser le pouvoir du roi en 1789. Mais regardez les extraits du cahier de grâce, par exemple, que j'ai choisi. Les gens de grâce disent explicitement au roi, attention, sire, nous vous adorons, mais si vous n'écoutez personne, nous sommes à l'aube d'une grande révolution. Tout le monde est persuadé qu'il va y avoir de grands changements. Ça n'implique pas la violence, mais tout le monde est persuadé de ce phénomène-là. Donc, en fait, on a véritablement cette conscience-là que le monde doit changer. Il doit changer dans le respect de chacun. Et c'est pour cela, par exemple, que j'ai consacré un chapitre entier à la chasse, l'appelant de façon un peu provocante. Oui, la lutte de chasse. J'adore. Oui, bien sûr, parce que 75% des Français sont des paysans. Et comment vivent-ils l'humiliation par rapport au seigneur? Oh, vous savez, ce ne sont pas les concepts des droits de l'homme ou des droits de l'individu. C'est la quotidienneté des lapins de Garenne qui mangent les récoltes, des grands cerfs qui passent et qui écrasent les blés. Ce n'est pas une légende. On a là une volonté véritablement, en fait, d'avoir ce droit démocratique de porter une arme, de se défendre soi-même et de ne plus souffrir les humiliations de la féodalité. Ceci est un fait tout à fait réel. Et puis, on veut aussi quelque chose de très moderne. On veut par exemple que les prêtres se marient. Oh, pas partout en France, mais dans un petit village de Langoumois, on demande que les prêtres se marient. Je vous le dis. Pourquoi ? Pour que les scandales cessent. Ah oui. Il aura fallu 230 ans quand même pour qu'on arrive à là. Tout le monde sait ce que veut dire cela, et cette plaie frappe déjà les villages. On veut élire ces curés à Paris, deux ans avant même la constitution civile du clergé. Donc personne n'est révolutionnaire. Mais mis bout à bout, on comprend que la société va et doit changer. Pierre Cernard, on voit bien dans ces cahiers de doléances, quand on les lit, qu'il y a énormément de préoccupations petites, simples, du quotidien, du local. Par exemple, celui cahier du tiers-état, du bailliage de Toul, qu'il soit permis de traquer le grand gibier et bêtes fauves pour éviter les ravages considérables qu'elles occasionnent aux environs des forêts, des grands seigneurs, etc. Et puis, il y a ce que vous dites là, le mariage des prêtres. Dans cette masse gigantesque des cahiers de doléances, 60 000 cahiers, c'est énorme. Les petits faits que l'on met en avant, alors le mariage des prêtres, ce sont du détail en fait qui est mis en avant. Comment vous le visualisez, vous, en tant qu'historien, quand on regarde la masse, vous savez, tout simplement pour ne pas être piégé par l'effet loupe où l'on met en avant juste une phrase dans un cahier de doléances alors que l'immense majorité ne dit pas ça. Eh bien, tout simplement, comme me l'a appris mon maître regretté, Michel Vauvel, auquel vous faisiez référence, je crois, dans l'introduction, de la cave au grenier. Qu'est-ce qui fait sens en histoire? Eh bien, justement, quand dans sa petite pensée locale, individuelle, on en arrive au collectif. Je vais vous donner deux exemples. Lorsqu'on demande la liberté de croire, de penser, c'est bien sûr l'immense problème du protestantisme que Louis XIV tout de même a réglé de la manière la plus brutale et la plus autoritaire qui soit un siècle avant. Oh, je veux bien que la Révolution soit toujours présentée comme un événement violent, mais enfin, un siècle avant, il y avait les dragonnades, il y avait 250 000 à 300 000 sujets du roi qui étaient expulsés de France. En demandant ça, c'est toutes les religions que l'on demande à être reconnues. Et la religion juive et les quelques musulmans qui se trouvent aussi à Marseille. Deuxième exemple. En pensant à sa propre servitude, tout d'un coup, dans les cahiers, et c'est pas un seul, c'est ni deux, c'est plus de 40 cahiers, on a, en fait, une réflexion sur l'esclavage. La France est un empire colonial. Et tout d'un coup, en réfléchissant à Reims, dans une petite paroisse, à sa servitude, on se dit, mais il y a 8 siècles, nous étions comme les esclaves d'aujourd'hui. Voilà comment l'effet loupe n'est pas du tout un effet minoritaire, mais construit de l'histoire par la politisation, c'est-à-dire la prise de conscience que sa condition renvoie non pas à quelque chose d'individuel, mais qui peut être partagé par des milliers de personnes au même moment et parfois de l'autre côté de l'Atlantique, dans les plantations sucrières où les Noirs vivent un enfer. Le tiers-état qui, il y a 7 à 8 siècles, était dans un esclavage presque égal à celui dans lequel les nègres gémissent actuellement, doit s'intéresser à leur sort. C'est le cahier du tiers-état du bailliage de Reims. C'est formidable de voir cette parole du tiers-état, cette parole de cet acteur majeur qu'est le tiers-état, qui prend la parole et qui parfois chante chanson de 1789. Si la noblesse, mes chers amis, ont pour nous si grande rudesse, tant de mépris, laissons-les tous en faire à croire prendre l'état. En attendant, nous allons boire au tiers état. Vous qui nous traitez de racailles si poliment, comme nous, vous paierez la taille très noblement. Vive le sauveur de la France, Necker, viva! D'où ce héros tient-il naissance du tiers-état? Chanson sur le tiers-état interprétée par Denis Benoît. Chanson de 1789. Les Français s'expriment par les cahiers de doléances. Ils s'expriment également par la chanson. Et toujours dans cette réflexion sur la parole du peuple à ce moment magique, hein, qu'est l'année 1789, qui est d'une intensité remarquable par sa chronologie. Tout va très très vite. Dans cette prise de parole massive de la population française, il y a également sans doute à réfléchir sur la prise de conscience de l'identité des personnes et peut-être de leur union. Est-ce que l'on peut parler déjà d'une conscience nationale, d'une affirmation, d'une identité nationale? Est-ce que les cahiers de doléances renforcent cette identité, cette notion d'être une nation? Attention, n'allons pas trop vite, mais vous avez raison de le poser. Mais à mon avis, et j'ai essayé de le dire de la façon la plus, j'espère, nuancée qui soit, la France est un puzzle. La quasi-totalité des Français parle patois. Chacun a ses privilèges dans sa commune. À part à Toulouse, on a ses capitouls. À Arles, on a ses consuls. Il y a des pays d'État comme la Bretagne, comme le Dauphiné, comme la Provence. La France est un véritable puzzle. Vous savez, Louis XVI ne parle pas de son peuple. Il parle de ses peuples. Louis XVI ne parle pas de son royaume. Il parle de son empire. Le mot a été capté, kidnappé, écrasé. écrasé par Napoléon. Mais à l'époque, un empire veut dire la mosaïque France. Alors, il y a deux niveaux. Vous avez tout à fait raison, Xavier Mauduit, de me rappeler cela. Les cahiers de doléances vont faire prendre conscience qu'on fait partie d'une nation. Mais attention, les gens ne veulent pas simplement que cette nation soit simplement unifiée et obéir simplement à Paris. C'est pour ça que j'ai parlé des États-Unis du royaume. Je crois que le vœu et la constitution de 91, qui est la plus décentralisée de toute l'histoire de France, va le montrer. Les gens veulent se gouverner eux-mêmes. Ils acceptent une loi pour tous, mais ils veulent participer. Ils veulent ce que le contre-révolutionnaire Montlosier comprendra très bien, une monarchie démocratique, une démocratie royale. Ça veut dire qu'ils acceptent un roi, ils acceptent une loi pour tous, mais ils veulent se diriger eux-mêmes localement. Et c'est très important. Ce qui est important de souligner, effectivement, c'est l'utilisation de ces cahiers de doléances pour construire l'identité nationale, mais a posteriori. Et c'est en cela qu'ils sont intéressants, c'est que les cahiers eux-mêmes ont une histoire. Bien sûr. Et ils sont repris, donc vous avez évoqué tout à l'heure, Pierre Cerna, la figure de Jaurès, qui met en place, sous la Troisième République, les cahiers de doléances comme monument de la création républicaine. On est là, au cœur de la naissance de la nation française. Ces cahiers de doléances sont oubliés au XIXe siècle ? Non, pas du tout. Par exemple, Tocqueville, dans l'Ancien Régime et la Révolution, fait une part belle, mais alors, il n'a pas les moyens, ni la force physique, ni l'énergie de Jean Jaurès pour le faire, mais il fait une part belle au cahier de Touraine, et il comprend très très très bien que là va se jouer la naissance de la liberté, va se jouer la naissance de l'égalité, va se jouer la naissance de la communauté citoyenne et politique, juste avant la Révolution. Juste avant la Révolution, cette Révolution à laquelle on arrive, on va y arriver, écoutez Pierre Cerna, par une musique sublime, c'est celle de Django Reinhardt, Django Reinhardt et sa Marseillaise. Django Reinhardt et sa Marseillaise, la Marseillaise sublime dans le cours de l'histoire, émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Élise Leu. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous cherchons à entendre les Français de la Révolution. Nous avons évoqué avec Pierre Cerna les Français qui s'expriment à travers les cahiers de doléances. Et avec vous, Annie Duprat, nous allons écouter une parole plus intime, celle de Rosalie Julien, une femme dans la Révolution. Ça c'est le titre de votre ouvrage. en fait, le titre, c'est un extrait de ses lettres et cet extrait est sublime. Les affaires d'État sont mes affaires de cœur. Annie Duprat, elle en est où, Rosalie, en 1789, au moment où sont rédigés les cahiers de doléances? Alors, Rosalie Julien est en fait une femme des Lumières, une bourgeoise très éclairée. En 1789, elle réside à Paris. Il n'y a pas très très longtemps qu'ils sont arrivés, elle et son mari, elle s'est installée à Paris. Déjà, le mari était venu en 1785 avec le fils aîné pour lui faire faire des bonnes études. Parce qu'ils habitaient Romans et que Lyon, non, c'était pas bien. Valence, non, c'était pas bien. Donc, on arrive à Paris. Et Rosalie les a rejoints avec le fils plus jeune. Alors, j'ai dit, c'est une bourgeoise éclairée parce qu'elle est d'un bon niveau social. Son père est marchand mercier à Pontoise. Et son mari, donc, a été le précepteur des enfants de la duchesse d'Anville à La Roche-Guyon. Et ça, c'est très important. Parce que la duchesse d'Anville, qui est beaucoup moins connue que la plupart des femmes salonnardes du XVIIIe siècle, tenait un salon extrêmement actif, libéral, éclairé et très, d'ailleurs, il y a une historienne suisse qui me racontait récemment que toutes les idées du club des Jacobins avaient déjà été explorées par le salon de la duchesse d'Anville. Et ça, c'est véritablement un sujet intéressant. Le mari est donc très homme des Lumières, elle aussi. Et en 89, il vibre aux nouvelles de la Révolution, il vibre à l'actualité. Mais quand je dis qu'il vibre, enfin c'est surtout Rosalie, puisque moi j'ai publié Rosalie, même si j'ai lu quelques textes de son mari. C'est à la fois un enthousiasme extraordinaire et puis une peur tout aussi extraordinaire. Et n'ont pas été conservées les lettres qui concernent la Bastille. Et franchement, elle en a forcément parlé de la Bastille. Alors là, le sort des lettres, c'est la famille qui a récupéré, qu'est-ce qu'ils ont pu en faire? Bon, ça reste un mystère. En revanche, en 89, il y a un autre événement extraordinairement important, c'est les journées d'octobre. Et elle voit et elle entend les femmes partir à Versailles et elle a peur. Mais dès le lendemain, elle est enthousiaste et elle dit c'était bien, il fallait ça. Et elle fait ça à peu près tout le temps. Pour les massacres de septembre, c'est extravagant. Elle commence dès le 30 août ou 28 août 92 et puis au 5 septembre. Alors elle a peur, où est-ce qu'on va? Bon. Et au 5 septembre, il fallait ça pour sauver la République. En ça, moi je la trouve fascinante parce qu'elle vit l'événement, elle ressent l'événement. Non seulement la violence qui peut la mettre elle-même en danger, son mari est quand même député conventionnel, mais aussi elle vit, et là je renvoie la balle à Pierre Serna qui a réédité récemment le livre sur la mort est dans Paris, le livre de Cobb, qui se situe un tout petit peu plus tard. Mais chez Rosalie, on le voit tout le temps ça, la famine. La famine. Alors elle s'étale pas trop, mais elle dit on manque de tout. C'est important ça de le souligner, Pierre Serna. Annie Duprat, vous le dites, mais c'est vrai que le fait de manger est une préoccupation essentielle. Nous n'avons plus ces problèmes-là aujourd'hui, mais pendant des millénaires et jusqu'à très récemment, pour la plupart des Français et des Françaises, le souci premier était « qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» Oui, enfin, nous n'avons plus... Il y a quand même de temps en temps, quand il y a du genre manifestation des routiers, ou quand il y a, mettons, des gilets jaunes encore plus déchaînés que ce que nous avons vécu, les villes peuvent être... Les autoroutes, c'est facile de bloquer les villes, puisque maintenant tout circule par camion. Et moi, j'ai le souvenir, il y a longtemps, alors je ne sais plus quelle crise c'était, peut-être la crise des camionneurs, quand Bérégovoy a envoyé des chars pour retirer les camions sur les autoroutes. Moi, à l'époque, j'enseignais en banlieue. À Paris, j'avais encore à manger, parce que peut-être les gens sont moins dévoreurs à Paris. Je crois qu'ils ont moins d'enfants. Et les élèves de ma banlieue me disaient, mais vous savez, on trouve plus rien dans le carrefour du coin. Parce que les gens Les gens stockent très vite. Mais c'est vrai qu'à chaque crise, on voit ça. Il y a cet aspect, j'ai besoin de me nourrir, je stocke. Dans ces lettres de Rosalie Julien, nous trouvons cette source de l'intime. C'est intéressant aussi de voir comment les Français et les Françaises pouvaient vivre la Révolution, ce moment révolutionnaire par l'intime. Est-ce qu'on trouve ça dans les cahiers de doléances, Pierre Serna? On voit ce vécu des Français également. Bien sûr, la fin est politique. Je suis un historien qui n'aime pas le concept d'infrapolitique. Il n'y a pas d'infrapolitique, tout est politique. Et quand quelqu'un a dit « j'ai faim », il exprime sa position dans la cité. Et ça veut dire « je n'ai pas de travail pour manger » ou bien « ma condition économique ne me permet pas de... » manger. C'est un des problèmes justement du XVIIIe siècle. Lorsque les femmes admirables, quand même, partent vers Versailles, alors qu'il pleut, alors qu'elles sont trempées le 5 octobre, la faim est un argument politique. Parce que à côté de « j'ai faim », c'est aussi les droits qui sont demandés. Et finalement, la victoire politique est au bout du chemin, parce que non seulement elle ramène le roi comme certitude qu'elles vont être approvisionnées en pain, mais aussi la grande victoire du 5 octobre, on l'a oublié, c'est le fait que le roi doit céder et signer finalement la déclaration des droits de l'homme. Ce sont les femmes qui ont fait que les droits de l'homme deviennent la loi française le 5 octobre. Annie Duprat avait tout à fait raison de souligner l'importance de ce 5 octobre. Bien justement, comme nous évoquons cette personne étonnante, puisqu'elle a beaucoup écrit, c'est comme ça qu'on la connaît, et on peut entrer dans son intimité, nous allons écouter Rosalie Julien, une lettre du 10 février 1793. Quoi qu'en dise l'auteur du Contrat social, ouvrage qui n'a paru abstrait que parce qu'on a affecté d'y employer des termes nouveaux pour exprimer des idées peu neuves, le régime démocratique, à ce qu'il nous semble, touche de plus près à l'anarchie que le monarchique ne touche au despotisme. En un mot, le gouvernement d'un seul, qui par sa sagesse et par sa modération tient un juste milieu entre la rigueur despotique et la fougue républicaine, n'est sujette à aucune des violentes convulsions qui agitent sans cesse ces deux espèces de gouvernement. Aussi, M. Rousseau, dans un autre chapitre du même ouvrage, avoue-t-il ingénument que si la démocratie peut subsister quelque part dans toute sa perfection, c'est uniquement dans une société composée de dieux ou de demi-dieux. Quelqu'un conseillait à Lycurgue d'établir un gouvernement populaire et de donner un pouvoir égal à tous les citoyens. « Commence toi-même, répondit-il, à établir ce gouvernement dans ta maison. » Une lettre de Rosalie Julien qui nous est lue par Hélène Losseur. Dites-nous, Annie Duprat, en écoutant cette lettre, il y a déjà un style qui est très beau, c'est très beau à écouter. Il y a des références littéraires. C'est intéressant, vous utilisez ce mot, j'adore, hein, vous avez utilisé deux mots aujourd'hui, c'est écrivassière et tout à l'heure vous avez dit salonarde, pour parler des gens des salons. Non mais voilà, c'est ça, France Culture aussi, nous apprenons du vocabulaire. Elle est écrivassière, vous voulez alors, dire quoi ? Ce mot m'a été extrêmement reproché, pas par l'éditrice, Judith Simoni, qui a trouvé ça plutôt amusant, mais par mes collègues historiens, par mes amis, qui me disent « mais enfin, c'est un mot péjoratif ». Je sais que c'est un mot péjoratif. Mais quand j'ai lu cet océan de lettres, parce que je n'ai publié que environ 20% hein, ou 30%, je me souviens plus exactement, un océan de lettres est très répétitive, hein, parce qu'elle donne des leçons de morale, en particulier à son fils, parce que Marc-Antoine Julien, fils, quand même, il faut le savoir, à 17 ans, est envoyé par Robespierre dans les provinces pour aller surveiller ce qui se passe dans les provinces. Alors je dis rapidement que surveiller que la guillotine fonctionne bien, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais pas tant que ça. Car, et je voudrais là rappeler le souvenir de Pierre Cassel, qui était archiviste et qui avait fait un très gros livre, il est décédé, hélas, il n'y a pas très longtemps, un très gros livre sur Pétion. Or, Pétion, c'est un Girondin et Rosalie, elle adore Pétion. Elle admire Pétion, maire de Paris. Et elle dit, il est bien supérieur à Robespierre. Rosalie est toujours enthousiaste. Hein. Et dès que les Girondins tombent, elle déteste Pétion. Voilà, c'est pas la nuance, hein, Rosalie Julien. Et Pierre Cassel, quand il publie son Pétion, moi j'en fais le compte-rendu, puis je lui demande une note, je lui dis, là vous écrivez à tel endroit que Pétion était poursuivi par Marc-Antoine Julien fils en juin 1793 et est-ce que vous avez la date? Alors Pierre Cassel me répond immédiatement, c'était un archiviste très très minutieux, et il me dit, oh ben il en a fait de belles, il était terrible Marc-Antoine Julien fils. Alors, on s'était promis, on s'est vu, mais on n'a pas eu le temps de discuter. Quelques mois plus tard, il est mort. Donc là, j'étais assez frappée de cela, mais oui, on n'a jamais rendu assez hommage à Pierre Cassel. Et alors, voilà, pour continuer sur votre question concernant Rosalie, c'est une femme donc d'enthousiasme, mais c'est aussi une femme de très grande culture. Et ce qui m'a frappée, alors je voulais faire dans l'index la liste des La Fontaine, Molière, Thomas Corneille, etc., sans compter tous les Romains, bien sûr, et les Grecs. Et puis ça aurait fait un index encore plus gros que le livre. Bon, donc on a arrêté. Mais il y a un index quand même, des personnages mais oui, mais parce que le but était, vous savez maintenant, les éditeurs, même Belin, ils veulent pas trop de notes infrappables. paginal, prétendant que ça fait fuir le lecteur. Je suis convaincue du contraire. Non, je ne pense pas non plus. De toute façon, les gens qui achètent des livres, c'est qu'ils aiment l'histoire. Mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Alors, j'ai mis dans l'index tout ce qui pouvait permettre de comprendre. Mais la question est, et je ne l'ai pas résolue, même avec les gens de Pontoise, qui ne connaissaient pas du tout la famille du Crowley, parce que la famille du Crowley, c'est quand même pas n'importe qui. Ils connaissent en revanche le beau-frère de Rosalie, qui a une maison, un château, enfin pas un château, un hôtel particulier à Pontoise, et qui est lieutenant des gardes du roi à la Bastille, avant la prise de la Bastille. Donc on comprend, elle dit qu'en famille c'est un petit peu difficile. Donc voilà. C'est ça, c'est intéressant, parce que Rosalie est au cœur de la politique. Mais Annie Duprat, vous avez cité Robespierre, tous ces gens-là viennent à la maison. Elle reçoit Robespierre à la maison, elle admire Robespierre, mais elle dit aussi qu'il est très laconique. Hein. Elle l'admire, mais je crois qu'elle ne l'aime pas. Elle admire la machine intellectuelle. Alors que Pétion, il y avait vraiment un vrai enthousiasme pour Pétion. Et Rosalie Julien a donc cette culture dont je n'ai pas trouvé, j'ai cherché, hein, les Ursulines de Pontoise, c'est quand même une école où il y a beaucoup de filles, et je n'ai trouvé aucune trace de liste d'élèves. Alors j'en suis arrivée à la conclusion qu'elle est peut-être comme Madame Roland, qui a aussi une très très grande culture, elle a peut-être été instruite par des précepteurs. Parce que la famille du Crowley, c'est aussi des gens très très importants. Mais on parlait de l'intérêt des archives pour les historiens, on est tous passionnés, mais il y a aussi le gouffre, le silence des archives. Alors d'une part, le silence des archives, même si on a des archivistes et des outils numériques extraordinaires ces dernières années, et d'autre part, le fait, alors chez les historiens, et j'y pensais en écoutant Pierre Cerna parler des cahiers de doléances, quand quelqu'un, dont le nom est un peu médiatique, on dira, hein, je ne citerai personne, va sortir un truc. Alors sur les cahiers de doléances, on a sorti, dans les années d'après 89, d'après 1989, l'histoire qui est vraie, que les délégués qui allaient vers Versailles, bah certains s'étaient fait voler leur cahier. Bon, ça, il y a des anecdotes comme ça, il y a toujours une anecdote comme ça. Et de dire, les cahiers ont été recopiés. Parce qu'évidemment, le pauvre délégué, il arrive à Versailles et il a pas son cahier. Bon, c'est arrivé, mais c'est arrivé de manière marginale. Mais à partir du moment où vous écrivez ça dans une revue grand public, une émission de télé, je vise personne, grand public, etc. Visez, balancez oui, les noms. Moi, je ne suis pas comme la moyenne de mes collègues qui assassinent quelqu'un, parce que le quelqu'un en question a une audience extraordinaire. Bon, je ferme la parenthèse. Mais ça, moi, quand je dis les cahiers de doléances, c'est un témoignage extraordinaire, on me dit, ils sont faux. Oui, voilà. C'est quelque chose qu'on entend encore, Pierre Cerna. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais à chaque fois, c'est une erreur historiographique. C'est-à-dire que les archives parlementaires commençaient sous le Second Empire et continuaient sous la Troisième République ont inventé un écran historiographique. Oui, et tout le monde s'est référé à ces 8000 pages quand même qui constituent les 8 premiers volumes des archives parlementaires, qui en comptent aujourd'hui 102. Nous allons publier le 103. Et donc, tout le monde s'est référé à ces cahiers-là, oubliant les 60 000 cahiers derrière qu'il faut retrouver. Et tout à l'heure, Xavier Mauduit, vous avez eu une phrase très heureuse en parlant donc de l'intime, et on voyait cette très belle phrase de Rosalie Julien qui disait à propos de Lycurgue, si tu veux la démocratie commence chez toi. Eh bien, il y a encore à découvrir des archives grâce aux archivistes extraordinaires, remarquables, des archives nationales. Aujourd'hui à Pierrefitte, nous avons découvert avec Marianne Théry, directrice des éditions textuelles, un cahier de femmes de Franche-Comté et qui disent: nous voulons partager le budget de la famille pour démontrer que nous sommes à égalité et que nous pouvons mener très bien le budget familial. Ce sera la preuve déjà que la maisonnée est une petite patrie et que le premier espace de la politique, c'est la famille. Là, nous sommes au cœur vraiment de l'intime, de la politique qui se joue immédiatement dans la relation mari et femme. Et les femmes n'ont rien à apprendre à leur mari, ce serait plutôt leur contraire. Non, mais c'est vrai que la place de la femme est essentielle dans ces lettres de Rosalie Julien. Il y a plusieurs aspects. Il y a cette femme au cœur de la Révolution. Elle reçoit Robespierre à la maison quand même. Elle est éduquée, elle a un regard, elle écrit bien. Et puis, il y a aussi la place de la femme dans la Révolution. Elle est mère, elle est épouse. Le style des lettres change en fait selon le destinataire. Oui. Selon le destinataire, alors à son fils, elle donne beaucoup de leçons de morale et en particulier de prudence, parce qu'elle voit bien l'enthousiasme du fils. Hein. Le fils aîné, hein. Elle oublie un peu le second d'ailleurs au passage. Et puis à son mari, les choses sont... Mais elle écrit moins à son mari, hein, beaucoup moins. Les choses sont plus politiques, stricto sensu. Mais ce qui est amusant, parce qu'elle écrit quand même entre 1700... Enfin, les lettres conservées sont entre 1775 et 1810. 1910, c'est-à-dire 35 années. Ça fait quand même énorme. Et on voit une sorte de tristesse à la fin. Elle a bien compris que la Révolution avait raté. Elle n'aime pas du tout Napoléon. Alors ça, on le voit à la façon qu'elle a de ne pas parler de Napoléon, de ne pas citer son nom. Donc c'est carrément le damnatio memoriae presque. Et mais elle écrit quelque part, j'ai oublié la date, on a beaucoup perdu. Alors ils ont perdu financièrement, hein, bien sûr. On a beaucoup perdu, mais on ne regrette pas. Et ça, j'ai trouvé que voilà, parce que cet enthousiasme de Rosalie, qui est en même temps très excessif, parfois m'agace. J'ai des lecteurs qui m'ont dit, mais elle est insupportable, cette femme. Mais après, on se dit, ben, elle a vécu l'événement, elle passait sa vie à l'Assemblée, etc. Et puis après, ben, elle n'a pas regretté. Voilà. Elle est acteur également, au sens où elle se rend à l'Assemblée, elle regarde ce qui se passe, elle le commente. Ses lettres sont destinées à rester privées. On se demande parfois, tellement c'est bien alors, écrit. Alors voilà, tellement c'est bien écrit, tellement elle sait tout. Alors bien sûr, elle le sait par son mari, mais quand même, moi j'ai eu le soupçon. Alors aux archives de Pierrefitte, on ne peut pas voir les choses, ou alors il faudrait passer chacune des lettres au microscope, je ne sais quoi. Je pense quand même que peut-être quelques-unes ont été réécrites après. Ce que je sais, et là j'avais la trace, c'est qu'elle sait que les lettres vont circuler. Et il y en a une même carrément, elle l'envoie à Valence pour que ce soit publié dans le journal local. Pierre Cerna, dites en un mot. Oui, pour aller dans le sens de Annie Duprat et renforcer ce qu'elle dit, elle écrit jusqu'en 1810, c'est là que naît la République souterraine, la fameuse République de Michel Riault-Sarcey, c'est-à-dire qu'il y a eu une mémoire de l'intime, une mémoire quasi clandestine dans cette correspondance qui fait le lien avec les cahiers de doléances. Les gens ont continué à être politisés et malgré l'Empire, malgré la répression, à demeurer républicains et ne rien regretter de la Révolution. Pierre Cerna, que demande le peuple et cahiers de doléances de 1789? Vous nous avez dit que ces cahiers ont leur source, leur racine, leur esprit bien avant 1789 et qu'ils ont un écho bien après. Et vous, pareil, Annie Duprat, avec ses lettres de Rosalie Julien, 1775-1810, on est dans la même logique du bien avant, bien après. Mais nous allons poursuivre dans le cours de l'histoire sur France Culture la Révolution, mais la Révolution cette fois-ci au sens de mouvement des astres, puisque Anaïs Quien nous conduit aujourd'hui dans les étoiles. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors Anaïs, aujourd'hui nous regardons le ciel dans le journal de l'histoire. Rappelons que nous célébrons cette année le 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Exactement, avec Elsa de Smet qui publie sa thèse « Voir l'espace, astronomie et sciences populaires illustrées 1840-1969 ». À la croisée de l'histoire et de l'histoire de l'art, il s'agit de donner une place centrale à la visualité comme objet à part entière. Partie des œuvres d'art de Malevitch à Rauschenberg pour son enquête, Elsa de Smet s'est plongée dans la presse populaire du début du XXe siècle. S'affronter aux images, c'est bien un des paris de l'histoire contemporaine. Longtemps considérées comme les illustrations de faits sociaux, politiques, religieux ou techniques, les images tardent à attirer largement l'attention des historiens. L'aventure spatiale qu'explore l'historienne crée un imaginaire et construit un mythe des dessins de Galilée au XVIIe siècle à 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick en passant par Man in Space de Disney, c'était en 1955. Here to introduce you to this new series is Walt Disney. In our modern world, everywhere we look, we see the influence science has on our daily lives. Is now X minus 2 hours. Man's oldest dream, the desire for space travel. Better dream. Rocket firing. Le clair de lune, le clair de terre vu de la lune, devenu un classique pour évoquer l'espace depuis le milieu du 19e siècle, devient un motif efficace de familiarisation du grand public en écho inversé du clair de lune cher à la peinture romantique pour proposer un nouveau paysage, cette fois-ci extraterrestre. C'est aussi l'histoire de la vulgarisation scientifique et technique, de leur ancrage dans le quotidien, de l'élargissement de leur public, qui scénarise un futur possible. C'est un espace explorable, sorti de son obscurité et de son unique habitant envisagé jusque-là, c'est-à-dire Dieu, qui sort des révolutions industrielles et scientifiques du XIXe siècle. Une nouvelle dimension de la conscience du monde, accessible à tous, une science pour tous, portée par l'humanisme de son temps. La fiction grand public s'empare de ce nouvel imaginaire et y trouve un univers métaphorique libéré, parfois, des contraintes et des tabous sociaux. En 1965, les Thunderbirds, les sentinelles de l'espace que les Français ne pourront voir à la télévision que 10 ans plus tard, sont lancées sur ITV au Royaume-Uni. 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. La conquête spatiale devient une réalité dans les années 50 et avec l'invention des fusées, le hublot marin et sous-marin devient par une autre analogie l'œil par lequel l'explorateur constate l'excellence de son génie à parcourir un monde devenu univers. La photographie scientifique dépasse bientôt les illustrations dessinées jusqu'au 21 juillet 1969 avec les premiers pas de l'homme sur la Lune par Buzz Aldrin et Neil Armstrong qui ont comme mission essentielle de produire les images de leur exploit, preuve de l'appropriation humaine dans un contexte de conquête spatiale devenu réalité et de triomphe d'un marketing conteur d'histoire. Mesa ABC, OK pour la télévision, réponse de Houston. C'est le premier geste que doit faire Armstrong lorsqu'il descend tiré sur une poignée qui se trouve sur la plateforme, ce qui provoque l'ouverture de la case où se trouvent les équipements, les outils et la caméra. Pourtant, ce premier film de la Lune signe la fin d'un imaginaire centenaire. Elsa de Smet rappelle que ces images vraies sont synonymes du déclin des missions spatiales dans ces années 70, qui voient éclore les premières manifestations sociales d'inquiétude quant à l'état de leur monde terrestre. Merci beaucoup Anaïs Quien, Voir l'espace autrement, Astronomie et Sciences populaires illustrées 1840-1969 d'Elsa de Smet. C'est aux presses universitaires de Strasbourg et on retrouve toutes les informations sur la page du journal de l'histoire sur franceculture.fr. La place de l'image est une place essentielle. C'est vrai que, Pierre Cerna, vous avez laissé une grande place aux images dans votre ouvrage sur les cahiers de doléances. Ces gravures que l'on connaît bien par les manuels scolaires, elles sont d'une violence extraordinaire, ces gravures. On l'imagine pas aujourd'hui, mais la vie politique était très violente en 1789. Dites-moi dans quel pays la vie politique n'est pas violente. Oh, je me sens surtout redevable et j'ai une grande dette à payer à Annie Duprat, grande spécialiste de l'histoire des images. Ce que j'ai voulu aussi montrer par ces images, elles ne sont pas illustrations. J'ai essayé avec l'équipe de Textuel de créer l'espace mental, l'espace visuel. On a parlé de visualité, la culture des sens et l'œil dans un pays où les illettrés parlent et voient beaucoup de choses. C'est merveilleux de voyager avec vous, Annie Duprat et Rosalie Julien. Et Rosalie. Les affaires d'État sont mes affaires Rosalie. De cœur. Surtout Rosalie, mais vous aussi beaucoup, Annie Duprat, Pierre Cerna. Merci à vous deux. Le cours Merci. De l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Camille André et Alice Rouet. Demain, nous continuons la révolution. Le roi est mort et la reine aussi. Une émission consacrée à Marie-Antoinette. Le tout est à retrouver sur le site internet Le Cours de l'Histoire ou en podcast ou sur le groupe Facebook.